Gustavo Adolfo Bécquer, La parure d'émeraude. Nous étant arrêtés dans la rue San Jerónimo, en face de la maison Duran, nous lisions le titre d'un livre de Méry. Ce titre étrange attira mon attention au point que je le signalai à l'ami qui m'accompagnait. Celui-ci, s'appuyant légèrement sur mon bras, me dit « La journée est on ne peut plus belle, allons faire un tour à la Fuente Castellana. Pendant la promenade, je te conterai une histoire dont je suis le principal héros. Elle te fera comprendre ce titre. Tu le verras quand tu l'auras entendu, et elle te l'expliquera de la manière la plus simple du monde. » J'avais de la besogne, et pas mal. Mais comme je cherche toujours un prétexte pour ne rien faire, j'acceptai la proposition, et mon ami commença en ces termes. Il y a quelque temps de cela, je sortis un soir pour flâner dans les rues, sans autre but que de flâner. Après avoir examiné les collections de tous les magasins d'estampes et de photographies, choisis par la pensée, dans la boutique des Savoyanos, les bronzes avec lesquels j'ornerais ma maison si j'en avais une, passai enfin une revue minutieuse de tous les objets d'art et de luxe exposés aux yeux du public, sur des rayons, derrière des glaces brillamment éclairées, je m'arrêtai un instant à la devanture de Samper. Je ne sais combien de temps je restai là, distribuant, dans mon imagination, des cadeaux à toutes les jolies femmes de ma connaissance. À celle-ci, un collier de perles. À celle-là, une croix de brillants. À cette autre, des boucles d'oreilles d'améthyste et d'or. Mais à quelle femme, digne de la porter, pouvais-je offrir une magnifique parure d'émeraude, aussi riche qu'élégante, qui, au milieu de tous les autres bijoux, attirait mon attention, par sa beauté et la pureté de ses pierreries? J'hésitai, quand j'entendis, à côté de moi, une voix douce, harmonieuse au possible, s'écrier, avec un accent qui me mit hors de moi, « Quelles magnifiques émeraudes !» Je tournai la tête dans la direction d'où partait cette voix de femme. Nul autre écho ne pouvait rendre de pareils accents, et je vis en effet une femme extrêmement belle. Je ne pus la contempler qu'un instant. Malgré cela, sa beauté produisit sur moi une profonde impression. Un carrosse stationnait devant le bijoutier dont elle venait de franchir la porte. Elle était accompagnée d'une dame d'un certain âge, trop jeune pour être sa mère, trop mûre pour être son amie. Quand elles furent toutes deux montées dans la voiture, les chevaux partirent, et je restai, bouche béante, la regardant s'en aller, jusqu'à ce que je la perdisse de vue. « Quelles belles émeraudes !» avait-elle dit. En effet, les émeraudes étaient admirables. Le collier, entourant sa gorge de neige, ressemblerait aux feuilles printanières de l'amandier réunies en guirlande et couvertes de rosée. La broche sur son sein, à la fleur de lotus se balançant sur l'onde mobile et couronnée d'écume. Quelles belles émeraudes! Elle les désire peut-être. Et si elle les désire, pourquoi ne les posséderait-elle pas? Elle doit être riche et appartenir à la haute société. Elle a un équipage élégant et, sur la portière de la voiture, j'ai cru voir un noble blason. Indubitablement, il y a dans l'existence de cette femme un mystère. Telles furent les pensées qui me traversèrent l'esprit quand, après l'avoir perdue de vue, le bruit de son équipage cessa d'arriver à mes oreilles. En effet, dans sa vie si tranquille, si enviable en apparence, il y avait un horrible mystère. Je ne te dirai pas comment, mais je suis parvenue à le découvrir. Mariée extrêmement jeune à un libertin qui, après avoir dissipé sa fortune, avait cherché, dans une union avantageuse, le meilleur moyen de manger celle d'autrui. Modèle de l'épouse et de la mère, cette femme avait renoncé à satisfaire ses plus légers caprices pour conserver à sa fille une portion de son patrimoine. Tout en maintenant, extérieurement, l'éclat de sa maison, à la hauteur que la société lui avait toujours connue. On parle des grands sacrifices de certaines femmes. Leur organisation étant donnée, je crois qu'il n'y en a pas de comparable au sacrifice d'un désir ardent qui intéresse à la fois leur vanité et leur coquetterie. dès le moment où j'eus pénétré le mystère de son existence, grâce à une extravagance de mon caractère, toutes mes aspirations se réduisirent à une seule. Posséder cette merveilleuse parure, la lui offrir de manière qu'elle ne puisse la refuser, et de façon qu'elle ignore toujours la main qui la lui a donnée. Parmi les nombreuses difficultés que je rencontrais à réaliser mon idée, la première, et certes la plus grande, venait de ce que je n'avais, ni peu ni prou, l'argent nécessaire pour acheter les bijoux. Je ne désespérais pas cependant de réaliser mon projet. Où trouver l'argent ? Me disais-je à part moi, et je songeais au prodige des mille et une nuits, à ces paroles cabalistiques sous l'influence desquelles la terre s'ouvrait, laissant voir ses trésors cachés, à ces baguettes d'un pouvoir si grand qu'en frappant avec elles un rocher, il jaillissait de son sein une fontaine, non pas d'eau, le miracle serait peu surprenant, mais de rubis, de topazes, de perles et de diamants. Ignorant les unes, ne sachant où rencontrer l'autre, je me décidai, en dernier lieu, à écrire un livre et à le vendre. Tirer de l'argent, des entrailles d'un éditeur est un miracle, que je réalisai. J'écrivis un livre original, qui fut peu goûté, car une seule personne pouvait le comprendre. Les autres n'y voyaient qu'un amas de phrases. J'intitulai le livre « La parure d'émeraude » et je signai de mes initiales seulement. Comme je ne suis pas Victor Hugo, à beaucoup près, je n'ai pas besoin de te dire qu'on ne me donna pas, de mon roman, ce que reçut, pour son dernier ouvrage, l'auteur de Notre-Dame de Paris. Mais, en réunissant toutes mes ressources, j'avais ce qu'il me fallait pour mettre à exécution mon plan de campagne. La parure en question valait de 14 à 15 000 douros, et, pour l'acheter, je pouvais déjà additionner la respectable somme de 750 francs. Il me fallait jouer. Je jouais donc, et je jouais avec tant de décision et de bonheur qu'en une seule nuit, je gagnais ce dont j'avais besoin. À propos de jeu, j'ai fait une remarque dont la justesse m'est chaque jour confirmée davantage. Si l'on ponte, avec la certitude de gagner, on gagne. Il ne faut pas approcher du tapis vert avec l'hésitation de celui qui vient tenter la fortune, mais avec l'aplomb de celui qui arrive prendre son bien. Tu peux être sûr que cette nuit-là, j'aurais été aussi surpris de perdre que de voir une maison respectable me refuser une traite signée Rothschild. Le jour suivant, j'allai chez Samper. Tu crois peut-être qu'en jetant sur le comptoir du bijoutier une poignée de billets de toutes les couleurs, qui me représentaient, pour le moins, une année de plaisir, beaucoup de belles femmes, un voyage en Italie, des cigares et du champagne à discrétion, j'hésitais un moment. Non, ne le crois pas. Je l'ai jeté avec la même tranquillité. Que dis-je, tranquillité, avec la même satisfaction que Buckingham rompit le fil réunissant les perles dont il sema le tapis du palais de son amante. J'achetai les bijoux et les emportai chez moi. Tu ne peux rien imaginer de plus beau que cette parure. Je ne suis plus surpris des soupirs que poussent parfois les femmes en passant devant ces boutiques offrant à leurs yeux de si brillantes tentations. Je ne suis pas surpris que Méphistophélès ait choisi un collier de pierres précieuses comme l'objet le plus capable de séduire Marguerite. Moi, qui suis homme et très homme, j'aurais voulu, pour un instant, vivre en Orient, être un de ces monarques fabuleux qui saignent leur front d'un cercle d'or et de pierreries pour pouvoir me parer de ces magnifiques feuilles d'émeraude avec des fleurs en diamant. Un gnome, pour obtenir un baiser d'une sylphide, ne parviendrait pas à découvrir, parmi les immenses trésors gardés dans le sein de l'avare terre et connus d'eux seuls, une émeraude plus grande, plus limpide, plus belle que celle qui brillait au centre du diadème, maintenue par un nœud de rubis. Maître de la parure, je songeais au moyen de la faire remettre à la femme à laquelle je la destinais. Au bout de quelques jours, moyennant quelque argent, j'amenai une de ses servantes à me promettre de la placer dans son coffre à bijoux, sans être vue, et pour être certain qu'elle ne révélerait pas l'origine du cadeau, je lui donnai ce qui me restait, quelques milliers de réaux, à condition qu'elle quitterait Madrid et s'en irait à Barcelone, aussitôt après avoir mis la parure dans l'endroit convenu. C'est en effet ce qu'elle fit. Imagine-toi la surprise de sa maîtresse, quand, après avoir constaté la disparition subite de sa servante, et soupçonnant que celle-ci avait fui la maison, peut-être, en emportant quelque chose, elle trouva, dans son secrétaire, la magnifique parure d'Émeraude. Qui avait deviné sa pensée? Qui avait pu s'imaginer que, de temps à autre, elle soupirait au souvenir de ses bijoux? Des mois s'écoulèrent. Elle conservait mon cadeau, je le savais. Elle avait fait de grands efforts pour en découvrir l'origine. Je le savais aussi, et cependant jamais je ne l'avais vue s'emparer. Dédaignerait-elle l'offrande? Ah, me disais-je, si elle connaissait le mérite d'un tel présent, si elle apprenait qu'il est à peine surpassé par celui de cet amoureux, qui, pendant l'hiver, engagea son manteau pour acheter un bouquet de fleurs. Peut-être croit-elle qu'il vient d'un Richard qui, un jour ou l'autre, se présentera chez elle, et, s'il est reçu, en réclamera le prix. Comme elle se trompe! Une nuit de bal, je m'installai à la porte du palais, et, perdu dans la foule, j'attendis sa voiture pour la voir. Elle arriva. Le valet ouvrit la portière. Je l'aperçus, radieuse de beauté, et un murmure d'admiration s'éleva du sein d'une multitude pressée. Sa vue excitait l'envie des femmes et le désir des hommes. À moi, il m'échappa un cri sourd et involontaire. Elle portait la parure d'Émeraude. Ce soir-là, je me couchai sans souper. L'émotion m'en enleva-t-elle l'envie, ou n'avais-je pas de quoi? Je ne me souviens pas. Dans tous les cas, j'étais heureux. Durant mon sommeil, je crus entendre la musique du bal et la voir passer devant mes yeux, lançant des étincelles au feu de mille couleurs. Je crois même que je dansais avec elle. L'aventure des émeraudes avait transpiré, à l'époque où elles furent trouvées dans son secrétaire, et avait défrayé les conversations de quelques femmes élégantes. Quand on vit la parure, le doute cessa aussitôt, et les oisifs commencèrent à commenter l'événement. Elle jouissait d'une réputation sans tache. Malgré les dérèglements de son mari et l'abandon dans lequel il l'a laissée, ses vertus l'avaient placée à un niveau si élevé qu'elle ne pouvait être atteinte par la calomnie. Cependant, le petit vent qui la précède, suivant Don Basile, commença à souffler à cette occasion. Je me trouvais un jour dans une réunion de jeunes gens, on parla des fameuses émeraudes. Un fat dit enfin, comme pour trancher la question, « Il n'y a pas tant à chercher, l'origine de ces bijoux est aussi vulgaire que celle de tous les cadeaux qui se font dans ce monde. Le temps est passé où des génies invisibles déposaient de merveilleux présents sous l'oreiller des belles. Celui qui fait un cadeau de cette importance le fait avec l'espoir d'une récompense. Et cette récompense, qui sait s'il ne l'a pas déjà eue ?» Les paroles de ce sot m'irritèrent, et m'irritèrent surtout parce qu'elles furent applaudies de l'auditoire. Cependant, je me contins. Quel droit avais-je pour prendre la défense de cette femme? Un quart d'heure ne s'était pas écoulé que l'occasion se présenta de contredire celui qui l'avait offensée. Je ne sais sur quoi je le contredis, mais je puis affirmer que j'y mis tant de rudesse, pour ne pas dire de grossièreté, que, de propos en propos, il en résulta un duel. Tel était mon désir. Mes amis, qui connaissaient mon caractère, s'étonnaient non seulement de me voir chercher une affaire pour un motif aussi futile, mais encore de mon entêtement à ne donner ni d'admettre aucune espèce d'explication. Je me battis. Ai-je été ou non favorisé par la fortune? Je ne saurais te le dire, mais il est certain qu'après mon coup de feu, je vis vaciller un instant, puis tomber raide sur le sol mon adversaire. Presque en même temps, je sentis des bourdonnements dans les oreilles, et mes yeux s'obscurcirent. Moi aussi j'étais blessé, et grièvement blessé à la poitrine. Je fus transporté à ma pauvre demeure, atteint d'une fièvre épouvantable. Là, j'ignore combien de jours je restais appelant à grands cris je ne sais qui. Elle, sans doute. J'aurais eu le courage de souffrir en silence toute la vie si, en échange, j'eusse dû obtenir un regard de remerciement au bord de la tombe. Mais mourir, sans même laisser dans son esprit un souvenir. Ces idées troublaient mon cerveau durant une nuit d'insomnie et de fièvre, quand je vis les rideaux de mon lit s'ouvrir et apparaître une femme. Je croyais rêver, mais non. Cette femme s'approcha de ma couche, de cette pauvre et brûlante couche sur laquelle je me tordais de douleur. Et, relevant le voile qui couvrait son visage, elle me laissa voir une larme suspendue entre ses longs cils sombres. C'était elle. Je me soulevai, l'étonnement dans les yeux, je me soulevai et... J'arrivais alors devant la maison de Durand. « Comment ? » m'écriai-je, en interrompant mon ami, tout surpris de son brusque changement de ton. « N'étais-tu donc pas blessé et au lit ?»« Au lit ? Ah, que diable ! J'avais oublié de t'avertir que j'ai imaginé tout cela depuis la boutique de Samper, où j'ai vu en effet la parure d'Émeraude et entendu l'exclamation sortir de la bouche d'une jolie femme jusqu'à la rue San Geronimo. Là, le coup de coude d'un commissionnaire m'attirait de ma rêverie, en face, précisément, de la maison d'Uran, où je remarquais dans l'étalage un livre de Méry portant ce titre « Histoire de ce qui n'est pas arrivé ». Le comprends-tu maintenant ? Je ne pus réprimer un éclat de rire en entendant ce dénouement. Je ne sais de quoi traite le livre de Méry, mais je me rends compte, à cette heure, que, sous ce titre, on pourrait écrire un million de contes plus intéressants les uns que les autres.